Cette soirée vous est présentée par La Barberie. La Barberie. La Barberie. La Barberie. La Barberie. La Barberie. La Barberie. Bonsoir les amateurs de musique progressive, vous êtes à l'antenne de CKRL 89.1 à Québec, c'est l'émission Terra Incognita de 22h à minuit. Vous êtes en compagnie de Bruno à la mise en onde, Jean-François à l'animation. Et pendant les 2 heures qui vont venir, ben il sera question de musique progressive, évidemment. Il y aura une nouveauté, c'est-à-dire Beardfish, avec un nouvel album. On va en écouter un extrait en début d'émission. On aura d'autres nouveautés et d'autres moins récentes. Côté concert, il sera question évidemment du groupe The Watch qui va jouer Genesis. Ceux qui ont vu l'affiche, on voit Nursery Crime plus. Que serait-il passé si Peter Gabriel était demeuré au sein de Genesis? Donc, il va y avoir des extraits de Trick of the Tail et Wind and Watering qui seront interprétés à la façon Peter Gabriel avec des arrangements des années 70. Je pense que c'est un concept qui est quand même intéressant. Je pense pas que ça ait déjà été fait. Et comme on connaît The Watch, on est sûr que ça va être fait d'une façon très professionnelle. Et ce sera aussi l'occasion de découvrir la scène Le Bourgneuf, qui est une scène relativement nouvelle sur le boulevard Le Bourgneuf. Et moi, j'ai jamais mis les pieds là, mais il semblerait que ça soit bien intéressant. Bruno, je pense qu'il y en a une petite idée, puis ça l'emballait assez. Donc, ce sera les 22 et 23 novembre, deux concerts qui seront totalement différents. Ben, pas totalement différents, mais disons que la plupart des pièces seront différentes d'un soir à l'autre. Et il y aura aussi des extraits des pièces qui sont composées par The Watch. Et ce sera intercalé avec des pièces de Genesis de la façon que j'ai dit précédemment. Comme groupe invité, ce sera le groupe des États-Unis, Shadow Circus, un groupe que je connais pas vraiment, mais qui semble assez intéressant. Donc pour l'instant, on va y aller avec Beardfish, un nouvel album qui s'appelle The Void. Et ce groupe-là, on s'en est aperçu un peu lors de leur concert à la chapelle qui a eu lieu lors de la convention Terra Incognita au mois de mai dernier. Beardfish s'en va, moi je dirais, vers un petit côté un petit peu plus hard, là. La pièce qu'on va entendre, qui s'appelle 17 Again, montre un petit peu ce côté-là, mais il y en a des un petit peu plus élevés que ça. On va entendre une autre pièce un petit peu plus tard dans l'émission. Donc on y va pour l'instant avec Beardfish. We'll be right back.

like this, round your neck, grass stains, seal your fate. I have reason to believe that you are an enemy of the state, and so by virtue of the powers vested in you by the state, I hereby obliged to terminate your existence. We'll be right back. Téléchargez l'émission Illusion auditive sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. Amateurs de progressif, le Palais Montcalm vous présente Three Friends le vendredi 5 octobre 20h. Three Friends, c'est trois anciens membres des Gentle Giant et de 10cc qui revisitent le répertoire de Gentle Giant en y ajoutant quelques nouvelles pièces. Three Friends au Palais Montcalm, du progressif pur dans la meilleure salle à Québec. Un événement unique. Détails au palaismontcalm.ca. Les mercredis de 17h30 à 19h30, écoutez l'émission En direct du Sacrilège, animée par Tania Beaumont. Quel est l'instrument qui pique le plus la curiosité des gens ici au Québec? Entrevues, prestations, chroniques, critiques et plus encore. Il y a un petit peu un buzz, ça s'est répandu comme une traînée de poudre assez rapidement. C'est un rendez-vous les mercredis au 447 rue Saint-Jean pour l'émission En direct du Sacrilège. Une présentation de Boréal, Pastissimo, le Café Babylone et CKRL. C'est plus convivial, c'est plus relax, ça permet vraiment là, de... Nouveautés, tournées, festivals, le blues et ses influences à l'émission Rue d'Auteuil. Avec Michel Dubois, les vendredis soirs, 20h. Pour que nos racines se prolongent dans le ciel de l'avenir, tous les mardis soirs à 18h30. Pour que nos racines se prolongent dans le ciel de l'avenir, tous les mardis soirs à 18h30. Au programme musique trad faux contemporain, blues de tous les temps pour votre plus grand agrément. En compagnie de Gilles Chaumel sur les ondes de CKRL. Écoutez, le dimanche de 22h à 23h, La Croche-Oreille, la seule émission en art audio et électronique au Québec. Animée par Jean-Pierre Gay et Ariane Plante, La Croche-Oreille est présentée par le Centre d'artistes Avatar de Méduse. La Croche-Oreille, ce sont les sonorités du futur par des gens d'ici, aujourd'hui. Le plein air, la foule, sont parfois de rudes adversaires pour le micro. C'est KRL 89.1. It's a hard world to get a break in. All the good things have been taken. But girl, there are ways to make certain things pay. Québec. Les voix, les sons seront plus éloquents que le plus pertinent des discours. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. La Barberie. La Barberie. La Barberie. La Barberie. La Barberie. La Barberie. Et nous sommes de retour pour un petit commentaire. Donc, on a terminé de façon énergique ce premier bloc avec le groupe Aiken, un groupe anglais. Qui avait fait un très bon album que j'avais fait jouer à quelques reprises au cours des dernières années. Et celui-là, qui s'appelle Vision, qui est paru au printemps, moi j'avais été déçu un petit peu parce que je trouve qu'il ressemble beaucoup à Dream Theater. Il me semble que Aiken a perdu un petit peu sa personnalité là-dedans. Mais au cours des dernières semaines, je l'ai réécouté un peu plus attentivement et franchement, il y a des bonnes pièces là-dessus. Puis si on regarde des commentaires un peu partout sur le net, il a été quand même assez bien reçu. On a entendu la pièce Insomnia et je pense qu'elle porte pas très bien son titre. C'est difficile de s'endormir. En fait, il porte bien son titre c'est parce que c'est assez facile de faire de l'insomnie et difficile de s'endormir. Juste avant, juste à faire le Q, Bruno a reconnu immédiatement cette pièce-là, c'est-à-dire Kaipa, d'un album qui s'appelle Moment to Moment, qui est paru aussi en DVD, mais ça c'est la version CD, et c'est la pièce Cut and Run, une vieille pièce qui a été reprise sur cet album-là. Avant ça, c'était le groupe italien La Gartia, avec un album qui s'appelle Particelle et Idiosyncrasia. Et on avait débuté ça avec le bon album de Beardfish qui s'appelle The Void. Je pense qu'on peut dire que c'est un bon album, même si les premières pièces, disons qu'on va on va s'en dispenser ce soir, là, mais les premières pièces sont assez rock, là, très peu de clavier, beaucoup de guitare. Et on avait senti ça un peu lors de l'interprétation de la pièce qu'on avait eue en primeur lors de leur spectacle à la convention Terra Incognita. Et on va poursuivre aussi avec Beard Fish, avec un deuxième extrait qui s'appelle Ludwig Enzwerker, toujours sur l'album The Void. Ce sera suivi de The Watch. J'en ai parlé précédemment, The Watch, qui seront à la scène Labourneuf les 22 et 23 novembre. Les billets sont en vente déjà. Et ça promet d'être un très bon concert. En fait, deux très bons concerts différents. Et ensuite, on aura Crippled Black Phoenix et K-Pa. Un premier extrait de K-Pa, un court extrait qui s'appelle First Distraction. Et un petit peu plus tard, dans un troisième bloc, on aura une pièce un petit peu plus consistante. J'entendais la publicité tantôt pour Three Friends. C'était la première fois que je l'entendais, celle-là. Et c'est cette semaine, vendredi prochain. Je pense que ça va être un rendez-vous pour les amateurs de Gentle Giant. C'est pas la première fois qu'on les voit à Québec et j'espère que ce sera pas la dernière non plus. C'est toujours très intéressant de voir la bande à Gary Green, un guitariste légendaire qui est très simple. Hein, quand on le rencontre, là, on dirait un chum. Là. Il jase avec nous autres puis c'est un gars très très simple. Donc on y va tout de suite avec Beard Fish et la suite. This helplessness, I can feel it too, like there is nothing we can do. So cry for a moment, it will make it better. Myself. They will never know how we long to take. my little ones, I will love you forever. Sleep in the woods, my little ones, I will miss you always. Smile. mystery still in my heart. Take a look with his new album, they'll give a shot. 89.1. L'imagination de l'homme gagne chaque jour du terrain. À l'occasion du 40e anniversaire de la librairie Pantoute, pendant le festival Québec en toutes lettres, le studio P présente Les enfants d'Asimov. Tout ça est absolument fantastique. Expo-vente de livres sur la science-fiction et le fantasy. C'est fascinant, professeur. Vous êtes collectionneur? Vous voulez partager votre passion avec le public? Un espace d'exposition vous attend du 12 au 14 octobre dans l'expo-vente Les enfants d'Asimov au Studio P. Oui, c'est exact. Pour plus d'informations, écrivez-nous à spichet@commerciallibrairiepantoute.com. Pantoute, votre libraire depuis 40 ans. C'est tout à fait remarquable. Chaque mardi et vendredi, CKRL vous propose des émissions variées axées sur le blues, le métal, les sports, le reggae et plusieurs autres styles, tout comme les soirées du Bal du Lézard. Le Bal du Lézard, c'est des spéciaux sur les bières importées et des microbrasseries québécoises, les étonnants 5 à 7 sur les bières canadiennes et le vin, les 2 pour 1 tous les jours de 21h30 à 22h et de 23h30 à minuit. Le Bal du Lézard, 1049 3e avenue à Limoilou. Le Bal, 26 ans de Limoilou libre. Lebaldulezard.com. Amateurs de progressif, le Palais Montcalm vous présente Tree Friends, le vendredi 5 octobre, 20h. Tree Friends, c'est 3 anciens membres des Gentle Giant et de 10cc qui revisitent le répertoire de Gentle Giant en y ajoutant quelques nouvelles pièces. Tree Friends au Palais Montcalm, du progressif pur dans la meilleure salle à Québec. Un événement unique. Détails au palaismontcalm.ca. La 22e édition des rendez-vous Estrade du 4 au 8 octobre dans le quartier Petit Champlain. Plus de 40 artistes de la Belgique, de la France, du Québec et de Québec vous livreront une musique traditionnelle bien de son temps. Réveillon, Didier Lalloy, Arba des Tornes, les folkloristes, Barbeau, Olivier Soucy et bien d'autres. Les rendez-vous Estrade, une vision contemporaine des traditions vivantes, des cultures d'ici et d'ailleurs. Estrade.qc.ca. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. La Barberie. La Barberie. La Barberie. La Barberie. La Barberie. Et pendant la pause publicitaire, moi et Bruno, on se bidonnait un peu parce que ça a fait un drôle de mix, l'annonce disant qu'il y avait du métal à CKRL qui a été mixé avec la dernière pièce de ce dernier bloc. C'est un extrait d'un nouvel album de K-pop qui s'appelle Vityar. Et la pièce qu'on a entendue, c'est First Distraction. Et c'est une belle pièce médiévale. Ben, en fait, moi, je dirais plutôt de folklore scandinave. Là. Et moi, je trouve ça vraiment excellent, ce disque-là. D'ailleurs, on va en entendre 3 extraits. Puis, je pense que Marc vous en a mis un extrait la semaine passée ou il y a 2 semaines. Et juste avant, c'était un très bon groupe, le Cribble Black Phoenix, avec leur album Crafty Ape. On a entendu Get Down and Live With It. Juste avant ça, c'était The Watch, qui est extrait d'un album qui s'appelle Terra Incognita Archive. Archive, en fait, c'est en français. Archive volume 2. La pièce Heroes, qui sonne plus Genesis que sur sa version originale, qui avait été enregistrée sur Ghost, qui date déjà de plusieurs années. Et on avait débuté ça avec Beardfish et son très bon album The Void, et avec Ludwig Enzwerker. Et je parle de temps en temps d'un groupe qui s'appelle Forgasband Phenomena, qui fait une musique assez jazzy, un peu fusion. Et c'est un groupe français. Et l'album que j'ai entre les mains, j'en ai déjà mis un extrait il y a quelques semaines, mais je revenais jamais avec ça. Et ça s'appelle Acte 5. Et ça comprend un DVD qui a été enregistré au Nirfest lors de son passage en 2010. Le premier disque, ben, c'est du matériel original. Et de cet album-là, on va entendre la première pièce, qui s'appelle Corps et âme. Et ce sera suivi d'une autre pièce de K-pop. Ensuite de Amanda et une autre pièce finalement, une courte pièce de K-pop encore une fois. Et peut-être un petit mot pour ceux qui s'attendaient d'aller voir Renaissance à Montréal. Malheureusement, Annie Aslam a eu un problème de dos, un problème de vertèbre, et ils ont dû annuler, je pense que c'est les 6 premiers concerts de la tournée, dont celui de Montréal. Donc malheureusement, le concert qui a passé au Nirfest, dont moi et Marc avons parlé au cours des derniers mois, c'est un concert qui regroupe Scheherazade et Turn of the Cards, et qui font intégralement. Donc malheureusement à Montréal, on ne pourra pas voir ça. Donc on y va avec Fort Gasban Phenomena. Thank you. We graze the flowing land in the sky. Trembling lifelines, a wave is on its way. We reach unknown dimensions inside a silent bay of time. We climb the crown hillsides, absorb the passing breeze. We're merged in the horizons, beyond the raging seas of the earth. Seas of the Monsieur Claude dort râpé par le chlore dans un grand vase de chlore dont tient seul à la clé. Monsieur Claude est souffrant, ses muscles sont de pierre, il les clouer au lit. Il se lie à son socle. Monsieur Clown est serein, rêve sous les paupières. Il baigne son ennui, sans cornet ni monocle. Le clown de Monsieur Clown, ami vivant ou mort, qui servira bientôt, quoi qu'on puisse en penser. J'ai bien vécu, mais pas lui. Il partira sans regret. Lui qui n'a jamais rien dit, lui qui n'a jamais rien fait. Messieurs nouveaux faiseurs d'anges, vous pouvez y aller. Grâce à mes pièces changées, je penserai donc, je serai. Thank you. CKRL. The bus was late and forced us all to congregate. 27 strangers made to stand and wait. 89.1. So that's why I'm late, my dearest one. What can I say? Tomorrow it could be the same when I do it all again. Québec. Amateurs de progressif, le Palais Montcalm vous présente Three Friends, le vendredi 5 octobre, 20h. Three Friends, c'est trois anciens membres des Gentle Giant et de 10cc qui revisitent le répertoire de Gentle Giant en y ajoutant quelques nouvelles pièces. Three Friends au Palais Montcalm, du progressif pur dans la meilleure salle à Québec. Un événement unique. Détails au palaismontcalm.ca. La Barberie. Parce que nous sommes différents. Pale Ale, lime et framboise. Blanche ou mûre. India Pale Ale. Stout impérial. La Barberie. Parce que nous sommes différents. 89.1. L'autoroute, animée par Stéphane Villeneuve, les samedis, minuit. Vous aimez ce que vous entendez et vous aimeriez encourager votre radio préférée? C'est simple comme bonjour. Soutenez votre radio favorite en faisant un don en ligne sur ckrl.qc.ca. Et cliquez sur le bouton sécurisé PayPal ou téléphonez au 418-640-2575. Un petit geste d'amitié pour une grande radio. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. La Barberie. La Barberie. La Barberie. La Barberie. La Barberie. Et vous êtes toujours à l'écoute de Terrain Incognita pour un dernier bloc. Et ce dernier s'est bien terminé avec Kaipa et la pièce Second Destruction, le troisième extrait de l'album Vitiar. Et juste avant, c'était Amanda avec le clone de Monsieur Claude. Et avant Kaipa, toujours extrait de Vitiar et de Crown Hillside. Et on avait débuté ça avec Forgas Band Phenomena, extrait de l'album Acte 5, Coriam. Et là, on va y aller avec quelque chose d'un peu plus musclé, c'est-à-dire Three Monks. Je pense que j'en avais déjà mis un extrait il y a un petit bout de temps, j'ai ressorti ça, puis le goût m'a pris de réécouter ça, puis les amateurs d'orgue d'église vont sûrement aimer ce disque-là, parce que c'est l'instrument vedette. Donc, on pense immédiatement à Parlin Project dans ces belles années où ce qu'ils mettaient abondamment de l'orgue d'église, et ça sonne merveilleusement bien. L'album en question s'appelle Néo-Gothique Progressive Toccata et c'est assez significatif. Et je vous rappelle que l'émission est toujours disponible en podcast et Bruno me dit que c'est disponible dans les minutes qui suivent la fin de l'émission. Donc, si vous avez manqué quelque chose, allez sur le site de CKRL et vous pouvez avoir l'émission au complet que vous pouvez télécharger ou écouter à votre rythme. Je vous rappelle aussi qu'il y a un nouvel exemplaire du magazine Terra Incognita qui vient de paraître. À l'intérieur, il y a un compte-rendu de la dernière convention Terra Incognita. Le festival NIRFES également. Et des chroniques de disques habituelles et des entrevues, entre autres avec Paul Bremner du groupe IZ et également plein d'autres articles intéressants. Donc on y va pour un dernier bloc et on revient pour le mot de la fin. pied, mon boule et mon vilain. We'll be right back. Et c'était le groupe Cano de l'Ontario avec leur très bon album « Honneur de notre vie ». La pièce était « Mon pays ». Évidemment, c'est un disque de 1977, donc c'est une réédition. Et juste avant ça, c'était « Three Monks ». Comme je vous avais dit, c'est un groupe qui brasse pas mal. Donc c'est déjà pratiquement fini pour notre émission. Il y aurait juste une petite pièce à mettre. C'est pour faire le lien avec l'émission « L'autoroute » qui est animée par Vincent Delisle et Jacques Dulac. Et ça va être le groupe Bebop Deluxe qui a sorti une compilation dernièrement qui s'appelle Futurist Manifesto. On retrouve là-dessus leurs cinq meilleurs albums, les cinq premiers. Et à mon idée, je pense que ça constitue pas mal l'intégrale du groupe. C'est 74 à 78. Donc, je vous remercie d'avoir été à l'écoute et merci pour les commentaires. Et merci à Bruno. Et il ne reste qu'à vous dire à la semaine prochaine. Téléchargez Terra Incognita sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. Cette soirée vous a été présentée par La Barberie. Stout Impérial.